6 heures du matin, ils t'ont mis à genoux. Ils ont cassé ta porte, ils t'ont mis à genoux. Ils t'ont mis les menottes, ils t'ont mis à genoux. Ils ont trouvé la drogue, t'as fini aux écrous. Et à genoux, ils t'ont mis à genoux. Et à genoux, ils t'ont mis à genoux. Et à genoux, ils t'ont mis à genoux. Ils ont cassé ta porte, ils t'ont mis à genoux. Tu bibi, tu les dates, tu fais du bénéfice sur presque tous tes clients. C'est cagoulé comme un guerrier taliban. Tu ne vis que pour le zéo, pour l'argent, pour la monnaie. Tu peux tuer celui qui t'en met, j'en ai de la monnaie. Hey, t'as fait pleurer ta mère, maman. Hey, t'as fait pleurer ton père, papa. Hey, t'as fait pleurer ta mère, maman. Hey, t'as fait pleurer ton père, papa. Ils ont trouvé la drogue, t'as fini aux écrous. 6 heures du matin.